Ah, ça ira. Un article d'anarcho-syndicalisme, numéro 107, juillet-août 2008. Par un retournement sémantique dont seuls les experts en mensonges ont le secret, l'aristocratie médiatico-politico-économique, par la voix d'un de ses sbires, s'est mise à qualifier ceux qui lui résistent, comme les cheminots ou les postiers, de privilégiés. Privilégiés ? Depuis la Révolution française, ce terme dénonce le droit reconnu par l'État, le roi, à l'enrichissement de la classe dirigeante aux dépens de la majorité de la population. Les premiers privilégiés étaient les nobles, suivis de près par le clergé, les curés. La noblesse se caractérisait par ses privilèges fiscaux. Elle était exemptée de la taille, c'est-à-dire l'impôt direct au profit du trésor. Politique, dans la plupart des cas, elle seule avait accès aux assemblées délibérantes provinciales. De carrière, dans l'armée notamment, honorifique, elle entourait le roi à la cour, elle avait la préséance sur la populace, et judiciaire, elle était jugée par un tribunal spécifique, le Parlement. Le bon peuple, le tiers-état, c'est-à-dire nos arrière-grands-parents, allait bien souvent nu-pieds et le ventre creux. Ils avaient pour tout privilège celui de financer le train de vie fastueux du roi et de sa noblesse à Versailles, celui non moins fastueux des princes de l'Église, ainsi que les guerres et expéditions maritimes ruineuses, sans oublier tout ce qui devait financer les caprices des reines, des maîtresses et autres catins qui pullulaient à la cour de Sa Majesté. Aujourd'hui, comme avant 1789, le privilège de la plupart d'entre nous, cheminots ou pas, postiers ou pas, c'est de galérer tous les mois pour essayer de nous en sortir. Car sous prétexte de réduire les privilèges, le sarkozysme, qui ne supporte pas la liberté et pour qui la fraternité est un mot parfaitement inconnu, s'attaque de plein fouet à l'égalité. Sa cible est avant tout les dépenses sociales, aide aux plus pauvres, aux chômeurs, aux retraités, etc. Pour justifier cette politique lamentable et ramasser des voix aux élections, les sarkozystes ont trouvé leur argument. Faire appel à l'égoïsme et à l'aveulerie des classes moyennes en leur expliquant que couper les vivres aux pauvres permettrait de limiter leurs impôts à eux, les cadres, petits commerçants, petits patrons, professions libérales, fonctionnaires moyens, ouvriers supérieurs, eux qui sont supposés se lever à 6 heures et travailler pour les autres. Les classes moyennes ont compris le message, ils ont bien voté. Maintenant, elles sont gros gens comme devant. Car si baisse massive des impôts il y a eu, ça n'a pas été pour elles. Et encore moins pour les petits salariés, dont beaucoup effectivement se lèvent à 6 heures du matin ou plus tôt. Comme quoi l'égoïsme et la veulerie, ça rapporte pas forcément. Seule une poignée d'individus a profité de la réforme des impôts. Parmi les 1 000 contribuables qui ont déclaré les revenus les plus élevés de France pour 2006, 116 ont réduit leurs impôts de près de 93%. Chacun a obtenu une réduction d'impôts de plus d'1 million d'euros. Parmi les 10 000 contribuables les plus riches en termes de revenus, 150 n'ont pas payé d'impôts ou ont obtenu une restitution du trésor public alors que leur revenu fiscal de référence était en moyenne de l'ordre d'1 million d'euros. Et parmi les 100 contribuables les plus riches en termes de revenus, plusieurs se sont vus rembourser, en moyenne 230 euros, alors que leur revenu fiscal de référence dépassait en moyenne les 11,9 millions. Sans oublier que 4658 gros contribuables français se sont domiciliés dans l'année dans les paradis fiscaux, emportant avec eux les 18 millions d'euros qu'ils auraient dû acquitter aux impôts. Avec la même arrogance, le pouvoir politique augmente ses propres privilèges. Après une hausse astronomique du salaire du président lui-même, ce sont les menus plaisirs de l'Élysée qui explosent. Les dépenses y sont passées de 32,38 à 35,1 millions d'euros par an. Les frais de personnel ont augmenté de 10,9% pendant qu'ils sont réduits partout dans la fonction publique. La dotation, l'argent de poche, du chef de l'État a fait une percée de 53%. Les fastes de l'Élysée n'auront bientôt rien à envier à ceux de Versailles. Et comme il se doit, notre souverain n'a pas oublié sa petite cour. Pendant qu'il s'attaquait à l'indemnisation du chômage du reste de la population, il a engraissé sans hésiter celle des députés. Nos soi-disant représentants seront désormais couverts sur la base de 5400 euros bruts de manière dégressive pendant 5 ans, au lieu de 6 mois antérieurement. Enfin, les potes patrons, les sieurs du CAC 40, ne sont pas oubliés non plus. Ils ont vu dans le même temps leur salaire augmenter de plus de 58% en moyenne. D'après l'expansion, très exactement, le total des revenus cumulés des patrons du CAC 40 était de 102 millions en 2006. Il passe à 161 millions en 2007. Ainsi, Pierre Verluca, patron de Vallourec, a vu ses revenus augmenter de plus de 2312%. 4 ans de SMIC par jour, rien qu'avec ses revenus de PDG. Gérard Mestrallet, baron PDG de Suez, lui est plus modeste, puisque son salaire n'augmentait que de plus de 364%. Quant au pauvre Martin Bouygues, il a dû se contenter d'une augmentation de 69% de son misérable salaire qui était en 2006 de 4,99 millions. Ce sont les plus-values sur les stocks options encaissées en 2007 qui ont permis au grand patron d'encaisser des sommes aussi considérables. Avec une augmentation de 351% par rapport à 2006, les plus-values sur les stocks options ont atteint la somme totale de 66 millions d'euros en 2007. Remarquons que la plupart des dirigeants ont eu la prudence de liquider une partie de leur stock juste avant la chute des marchés en août 2007, comme s'ils étaient au courant par avance. Tous ces petits messieurs et dames qui grouillent et besognent dans le marais politico-économico-médiatique tirent leurs monstrueux revenus de notre exploitation et leur immense pouvoir de notre crédulité et notre soumission. Ils se font accorder des privilèges fiscaux exorbitants. Ils disposent de privilèges politiques essentiels, comme celui de régenter l'accès à l'information et aux médias. Ils ont le privilège des carrières. C'est parmi eux leurs enfants, parents ou alliés, que se recrutent les technocrates de l'ENA, et tous ceux qui iront ronger les gruyères de la République. À eux aussi les honneurs, les parties de bateau avec Sarko, les voyages officiels, les Sunlight. Et pour couronner le tout, leur privilège judiciaire dépasse celui qu'avaient leurs homologues sous l'Ancien Régime. S'il y avait autrefois un tribunal spécifique pour juger leurs crimes, nos modernes aristocrates, quant à eux, sont carrément au-dessus des lois. Quoi qu'ils fassent, avec de loin en loin une exception pour que le bon peuple ne se réveille pas, ces modernes seigneurs ne passent la porte des tribunaux que pour y donner des ordres. Patrons, politiciens, médiateux constituent la nouvelle classe des privilégiés, aussi nuisible que l'ancienne aristocratie, aussi puante qu'elle, aussi sûre de sa pérennité, aussi stupide que cette noblesse qui, même le 14 juillet 1789, ne pouvait croire possible qu'une révolution puisse renverser une monarchie solidement ancrée dans des siècles d'existence. Et pourtant, Gracchus B.